j'étais le chef du pays, que de bing bang bang, je dirais au monde, on enlève les bombes, on brise les fusils, y'a plus de guerre ici, que de bing, que de bang, que de bing bang bang. Pas de coup de poing, pas de coup de pied ici, que de bing bang bang. Et quand on est fâché, on n'a qu'à se parler, on fait des gros sourcils, et après c'est fini, que de bing, que de bang, que de bing bang. Bing bang bang, des fleurs qui nous chatouillent, des oiseaux qui gazouillent. On joue, on chante, on rit, on prend soin de l'eau.